sur Tony et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour, bienvenue tout le monde, vous écoutez Tortoli et Arbatax, vous écoutez le 105.4, vous écoutez Radio Panique, 105.4 FM, pour ceux qui nous écoutent via internet, c'est le www.radiopanique.org. Je sors de mon chapeau. Et la semaine qui suit est dédiée au genre. À la Saint-Nicolas. Oui. Notamment, ça c'est aujourd'hui et nous cette semaine on fait une spéciale genre qui fait partie de la programmation genre et transgenre, une programmation transversale dont plusieurs émissions de Radio Panique vont participer du 5 au 24 décembre. Vous trouverez toutes les informations sur radiopanique.org. C'est une période du 5 au 24 décembre qui est, correspond exactement, enfin c'est entre les fêtes quoi, entre les fêtes pardon. Ah, entre Saint-Nicolas et Noël. Il l'avait écrit. Et Noël, voilà. Exactement. Ça consiste en quoi tu... Non, je te laisse... C'est quoi, genre transgenre, tu as dit ça? Oui, ça j'ai dit genre transgenre, c'est histoire de... Genre. Ouais, on va y revenir. C'est histoire de, pendant ces 2-3 semaines, de décoder tout ce qui entoure le genre humain, masculin, féminin, pluriel. Mais pour ce faire, pour être plus précis, notre ami Arbatax va nous en dire un petit peu plus sur le menu qui va composer l'assiette radiophonique de cette heure. Ce soir, au menu. Nous on a été pris un petit peu sur le tard, je dirais. Cette mission, on la prend un peu comme on veut et on va la prendre comme on veut. Hein. Non, j'ai tout de suite des images qui me viennent en tête. T'es venu. Non, ben je pense qu'il faut déjà définir les genres. Les genres, tu l'as dit, singulier, pluriel. C'est vrai, masculin, féminin, c'est aussi vrai. Donc on parle de tout, on est assez large. On peut parler de l'homosexualité, par exemple. L'attirance pour un être du même sexe, quoi. Ce qu'on appelle aussi être gay. Tout à fait, merci. Un autre exemple? Voilà, gentilité, parfait. Ce qu'on appelle être gay, on peut dire PD pour un mec. Je crois que c'est un peu un gros mot, mais je crois qu'on peut le dire quand même. Puisque des gros mots, je crois qu'on en a déjà dit des milliers dans cette émission. Je te laisse mettre de tes mots. On peut dire lesbienne quand ça concerne le sexe féminin, c'est-à-dire une femme attirée par une femme. Yes, aïe, c'est ça, on parle d'homosexualité féminine, on parle parfois de saphisme ou de tribadisme. Nassifatisme. Galote, tout à fait, tribadisme. Apparemment, un terme assez désuet, me dit-on, dans le casque. Dans le casque, oui. J'en conviens bien, et je pense qu'on ne reverra pas dans l'émission, ce mot. Sûrement pas. Transgenre, là, on arrive plutôt dans le côté pluriel dont tu parlais, pluriel. J'ai envie de dire par exemple bi, on peut être bi, donc on peut ne pas forcément choisir, tu vois, on est bisexuel. Mimi. Voilà, ne pas se décider, ou ne pas être encore décidé, ou faire ses propres expériences, ou ne jamais se décider. Mimi. Qui fait les bi-bip en général, hein, voilà. Si j'ai bien compris. Donc ça c'est pour le volet bisexuel. Et puis après il y a aussi les drag queens, il y a aussi les drag kings, hein. Ah, les drag kings. Les drag kings, qui serait l'équivalent féminin du drag queen. Ce qui est assez bizarre, ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Ça, c'est les drag kings. Voilà, alors. C'est ça. Mais les drag queens, donc c'est les hommes qui ont tendance à se travestir, donc à s'habiller et à adopter tous les comportements et les signes extérieurs des femmes. Come on. Come on. C'est vrai, c'est un peu cliché. Mais ça va rappeler les souvenirs. D'accord, donc ça c'est les drag queens. Tu parlais de souvenirs, ça va te rappeler des souvenirs. Moi ça m'en rappelle pas, je sais pas, et toi? Non, c'est juste c'est du son des années 90 quoi, auquel on a dansé entre deux fraises Tagada et une banane quoi. Entre deux fraises Tagada et une banane, je vois bien ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu parles bien imagé, mais je comprends un petit peu. Les soirées et tes week-ends, on en est au travestissement. On peut même aller jusqu'au transgenre, donc qui est encore le thème de Radio Panique pour ce mois de décembre. Transgenre, voilà, là je pense qu'on arrive au max. On est carrément dans la transidentité. Je pense que là on change de sexe, on en vient jusqu'à peut-être à l'opération, c'est-à-dire que son identité tout entière, même psychique, même à l'intérieur, on a envie de changer. On peut faire un changement à 100% donc en se faisant opérer. Là, on arrive au troisième sexe, comme chantait un troisième siècle. Le troisième sexe, pardon. Pardon. Ah. C'est bon. Donc là tu nous parles d'identité sexuelle. En fait, on est, je pense, en plein dedans. Enfin, à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle cette histoire. Identité sexuelle. Identité sexuelle. Identité sexuelle. Exactement, voilà, bah, je pense qu'on a bien, calé le sujet. On parle d'identité sexuelle, je pense que le générique coule de lui-même, coule de source. Cool. Cool Raoul. Cool Raoul. Vous êtes avec nous pendant une heure, maintenant qu'on a défini le sujet, on s'envoie du son. Ça va être que de la zik pendant une heure. Ce sera par chapitre. Pour l'instant, c'est le générique. Ça s'appelle The Lawyer. Et le titre, c'était C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Mimi. Mimi. Down the street, chilling as you do, when who should come up behind me but Donald Duck. Well, hey, it had to be the way, and he had a few words to say to me, and they were, and looking forward to the future that is house, house, house, house, house, house. I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat, I wanna eat I don't know. Hello? What do you want? Okay. Thank you. Thanks. Genre quoi? Radio Panique présente. Je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Tortoli. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens. Viens. Allez, viens. Barbatax. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. On est bien. Allez, viens. On est bien, bien, bien, bien, bien. Bien, enfin. Allez, viens. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Une émission spéciale genre. C'est génial, non? Allez, viens. Viens. Genre quoi? De retour dans les studios de Radio Panique, vous écoutez Tortoli et Herbatax, l'émission du mardi entre 17h et 18h. Et là, cette semaine, on est sur une spéciale genre. Les deux grandes folles de la radio. Les deux grandes folles de la radio, voilà. That's us. Et voilà, place à la musique, on va s'écouter quelques sons. Et pour ce faire, on va décrire le son qui va passer juste après. Premier chapitre, on est sur du quoi là? On est sur du... l'homosexualité féminine, hein, donc c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. C'est le premier chapitre, voilà. Une femme avec une femme. Tout à fait. C'est juste pour être sûr. Voilà. Homosexualité féminine qui seront représentées dans notre émission par les Cumbia Queers. Alors, qui représente qui? Comment ça se passe? Les Cumbia Queers, on les avait déjà reçus. Pas personnellement, malheureusement, mais dans cette émission, c'est-à-dire qu'on les a déjà passés. Sous forme de MP3. On avait fait une spéciale Cumbia, spéciale tropicale, un peu au mois de juin. Au mois de mai, c'était avec deux invités fameux, Darcyr et Leblanc. Voilà, et ils avaient passé notamment un titre de Cumbia Queer qui était je sais plus quel titre. Et à Bruxelles, on les recevait à peu près à la même époque, je me rappelle, c'est sûrement pour ça qu'on les avait passés. C'était au mois de juin, ouais, juste derrière. On les recevait au Recyclard, très très bon son, elles se définissent comme du punk tropical. Elles nous viennent d'Argentine, elles nous viennent du bon air, hein, de Buenos Aires. Olé. Groupe né en 2007, et puis le petit morceau qui suit, Chica del Calendario ou des Calendario, les meufs du calendrier. Je pense que. Nos copines quoi. Nos comènes quoi. Allez, on se rejoint juste après. Les Cumbia Queers, 105.4. Genre quoi? Genre Rochefort. Me la quiero yo comer. Un lubricante traes en la mano. Me cae de madre que te lo quiero embarrar. Y el mes de enero y el de febrero y todo el año me la voy a chaquetear. Ella es mi chica de calendario. De un año a otro nada ha cambiado. Es mi chica de calendario. De un año a otro nada ha cambiado. Ella es mi chica de calendario. Es uno así cuando arreglo carros. Ándale güerita, yo te arreglo el coche. We'll be right back. Tony et Arbatax. La différence. De retour dans jingle, l'institut. Jingle, jingle qui tue la différence. Bah ouais, nous on joue la carte de la différence pour ce faire, pour cette programmation. Genre, transgenre. Avec notre physique de radio, on peut jouer la carte de la différence, je pense. Bon, genre, ça y est, l'émission est lancée. Vous êtes bien sur le 105.4. Genre transgenre, genre Reno. Il y avait aussi tout à l'heure. Exact. Dit. Mais genre Lucas viendra pas. Il m'a envoyé un texto, c'est mort. Allez, vous êtes bien sur votre transat. Vous êtes relax. Quelle transition. On était dans le chapitre. Voilà, une femme avec une femme. Tout à fait, voilà, c'était notre premier chapitre. J'ai tout à fait l'exposé devant mes yeux. T'as le PowerPoint. Voilà, exactement. Première page, une femme avec une femme. Cumbia Queers, ça c'est fait. Les Argentines de la cumbia. Et là, juste derrière, on va passer à Peaches. Peaches, la chanteuse, de son vrai nom, Meryl Beth Nixer. Beth. Et c'est une chanteuse née à Toronto au Canada, donc elle est canadienne pour. Apparemment. Voilà. Elle a quand même 43 ans. Ça, c'est juste pour. Un peu effondrer le mythe. D'accord, non, mais. Et il se trouve que l'identité sexuelle, c'est un thème assez récurrent dans la musique de Peaches. Ma mère a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Identité sexuelle. Identité. Il se trouve même que sur la couverture d'un album qui s'appelle Father Fucker, elle apparaît avec une barbe. Voilà. Elle rejette également l'envie de éprouver une envie de pénis. Elle préfère le thème désir d'être à hermaphrodite. Voilà. Parce que comme elle déclare, éprouver une envie de pénis. C'est vrai. Ok. C'est ce qu'elle déclare. Et elle déclare également, l'humain est très féminin et très masculin à la fois. Donc là, je te laisse à tes questionnements que tu avais dans ta baignoire à 14 ans quand tu regardais ces petits premiers poils pubiens apparaître. Et moi, j'étais quoi alors à l'époque? J'étais plutôt masculin. Je ne sais pas. Non, mais ça, c'est très personnel. Là, on rentre dans l'ordre du psychologique. Là, je voudrais pas y toucher. Bah, elle dit que c'est masculin et féminin à la fois, donc il y a un peu de tout dans l'être humain. Voilà. Elle rejette le côté. Elle rejette l'envie du pénis, quoi. Elle est plutôt autour d'une envie d'être hermaphrodite. T'as vu, j'ai buté sur le même mot. Hermaphrodite. Hermaphrodite. Elle est plutôt. Exactement. Pour ce faire, on va y réfléchir quelques minutes, 3 minutes et quelques. On le mixe derrière avec un petit. On va le mixer derrière, je pense, avec un petit sexy sushi. Un petit sexy sushi, normal. Donc voilà, on va faire le côté ouest de l'Atlantique avec Peaches et le côté est avec les Nantais de Sexy Sushi. Les Nantaises. Non, c'est un mec qui est au platine, qui est au son, et la fille Rebecca Warrior qui chante. D'accord. Voilà. Le premier titre de Peaches s'appelle Talk to Me. Ça c'est du fat. Why don't you talk to me? Vous écoutez Radio Panique, c'est 105.4. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Oh là là là là, Lucatilo souk. Qui va ce calava? No bibi, hein? Calmina, Malovigno. Ma socra de volo. Daki homo micro et crapoto basta fuite. Oh, so tutti mini rikiki. Ma kif kif costaud. Kif kif costaud. Que sera sera. Oh, so bono clean et so doudou locoto. Bravo, mon micro. Gros cra de poulon. Oh, mon micro, lo tutti rikiki, mouse costaud. Spécial genre, vous écoutez Tortoli et Herbe Attaque, genre transgenre. Et là, on était sur, le côté féminin. Oui, tout à fait, puisqu'on parlait de peaches. Moi, j'imagine très bien l'origine du mot, non? Enfin, je vous laisse imaginer. Non, Josie. Non, bah non, je peux pas faire un dessin quand même. Parce qu'on est à la radio, bah, ça va pas le faire. Ça va être compliqué. Peaches, quoi, les pêches. Genre, ce serait la chronique de l'expression de la semaine qui sera même. L'expression de la semaine. Exact. Résultat de la semaine dernière. Ah oui. Oh oui. Oh là là là là. Oh, oh là là là là. Bah là. Tu m'exploses les tympans. Non mais. En même temps que je peux deviner ta joie. C'est du bonheur. La semaine dernière, c'était un trisome. Un trip à trois, comme on dit dans le milieu. Il y avait l'expression défendue par Monsieur Feuillin. Ah, Monsieur Feuillin. Monsieur Feuillin qui doit nous écouter en ce moment. Monsieur Feuillin. Ouais. Résultat des courses, Monsieur Feuillin, je vous l'annonce en direct. Deux voix. Deux voix, mais il a de quoi être fier. Il a de quoi être fier. Ça partait de très bas. Hein, donc, c'est quand même pas mal, sachant que c'est deux fois plus que l'un de nous deux. Je te laisse deviner qui. Alors attends, je rappelle, Monsieur Feuillin, c'était René. Hein, René, quelque chose qui veut dire naze ou je sais pas quoi. Deux voix, c'est pas deux mal. Deux voix, deux filles qui ont voté pour lui. Moi, c'était Alcatraz. Toi, c'était Alcatraz. Alcatraz, ouais. Alcatraz, je suis Alcatraz, je suis bloqué. Bon, apparemment, une voix, bon. Ça n'a pas été très bien compris. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas une défaite. C'est une incompréhension. C'est pas grave. Ça arrive. Et toi, tu avais? Bah moi, j'avais le meilleur. J'avais passé du Coca Light et j'ai récolté 6 voix. Oh merde. Donc j'ai pas de musique de la Champions League ni quoi, mais sachez tu veux que je te la fasse. La Ligue des Champions. Ouais, bien joué. Okay. Donc voilà, je fais une petite. Une petite léchouille à tous ceux qui ont voté pour moi. Donc 6 votes, c'est quand même on a explosé le score. Enfin là, je dis on parce qu'on est une équipe maintenant. Vous êtes une équipe, vous on est une famille. Donc je tiens à remercier personnellement chacun. Ils se reconnaîtront. Si monsieur Feuillin désire proposer une autre expression, un de ces quatre. Monsieur Feuillin ou quiconque, y a pas de souci, on prend sur Facebook, y a pas de problème. On prend. Proposez et ce sera en liste, je ne sais plus comment on dit. Ce sera en fin de liste. Cette semaine, évidemment, on se cale dans le thème. Calons-nous. Dans le thème, et puis, je vais commencer. Tu veux commencer? Je vais commencer. Quoi? Bah, genre ça va être... quoi? Ouais, oui, calme-toi. Ça va être genre. Genre quoi? Ça va être genre. Homosexuel. Non, non, mais. Il y a plein d'expressions hein, pour parler des genres et des différentes identités sexuelles. Ah, elle est pas partie. Ouais, c'est pas grave. Il y a pas mal de mots. J'aime bien être de la jaquette, ça j'aime bien. Donc toi, ça serait je trouve sympa, être de la jaquette, hein, être homo. Alors je pense que c'est plutôt pour un homme, vu l'origine en plus. Si je peux prendre 30 secondes tu pour peux. Expliquer l'origine que j'ai su retrouver. Alors voilà. Mais c'est pas très compliqué, la jaquette, tu vois bien ce que c'est, la jaquette, tu sais, cette veste là, à queue de pie là derrière, enfin, tu vois, une jaquette. Jacket. Tu vois, jaquette, voilà, c'est ça les vestes là, qu'on ne met plus. Mais eh ben, si je te laisse imaginer derrière, à queue de pipe, tu voilà, m'as dit. Non, bah, tu fais bien de le dire. Sauf que là, ça se passe derrière. D'accord. C'est cette veste qui se sépare en deux derrière, tu vois, comme les pianistes. Oui, très bien. Bah, j'ai été pianiste. Je te laisse imaginer le côté pratique de la chose si tu es du homosexuel. Oh là là. Je pense qu'on peut voir une explication là-dedans. Être de la jaquette. On peut mettre une petite main aux fesses, par pourquoi exemple. Pourquoi pas. Mettre une petite main aux fesses facilement, tu vois. Tac. Être de la jaquette, j'aime bien. C'est entrer dans le langage courant, et puis c'est gentillet. Voilà, être de la jaquette. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Identité sexuelle. On est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Tortoli. Alors, face à toi, Mamatraze, je propose l'expression avaleur de sabre et avaleuse de sabre. Ah oui, d'accord. Ce qui signifie en d'autres termes, avaleur de sable, ça correspondrait aux personnes de sexe masculin homosexuel, et avaleuse de sabre aux personnes hétérosexuelles mais oui. De sexe féminin. D'accord. C'est donc c'est une... voilà, c'est les hétéros, les contraires des. Voilà, c'est ça. Les contraires. Très bien. Range ta langue. Très bien. Et voilà, avaleur de sable, tu peux l'utiliser dans. Je l'ai vu à Noël, j'étais en Bretagne, oui. j'ai entendu parler de cette histoire. D'accord. Voilà, avaleur de sabre. Moi j'attendais toujours le Père Noël, je l'ai jamais vu, mais toi t'as vu à cette période-là des avaleurs. J'ai vu des avaleurs de sabre. Non mais c'était. Très très bon. C'était fou. Et bon. Et voilà. Il y avait un gros sapin ou pas? Bon, il y avait des petites boules en tout cas. Très bien. Bon ben voilà pour cette semaine. Je crois que c'est calé. Être de la jaquette contre avaleur ou avaleuse de sabre. C'est à ta guise. Tout à fait. Ça se passe sur tortoli@gmail.com si vous voulez voter par email. Ça se passe sur Facebook si vous voulez voter en commentaire juste en dessous de la chronique de l'expression de la semaine. Pas de problème. Vous ça, pouvez... tu dis ça pour tes sympathisants qui ont du mal à trouver. Mais partisans. Ah, partisan. Partisan d'Arbatax. Tu es est-européen. Ouais, partisan. T'inquiète pas, il y en a la dose. Très bien. J'en ai plein. Mimi. Ils se reconnaîtront. Et ben voilà, chronique. Maintenant que nous avons terminé le premier chapitre qui introduit cette émission et qui concernait plutôt ce côté-là de l'homosexualité. Je crois que c'était celui-là. C'était celui-là aussi. Un peu des on deux, va quoi. Peut-être passer au deuxième chapitre qui est ce côté-là. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Ce côté-là, voilà. Très bien. Et pour ce faire, on se met une petite chanson de notre ami Renaud qui... Enfin, notre ami, je le dis ça comme si on était potes depuis 40 ans. Alors, pas du tout. Je n'ai aucun lien avec ce bonhomme. Bon, après, à part l'alcool. Il nous a sorti une petite chanson qui s'appelle Petit PD. Voilà. Et qui défend les homosexuels. J'imagine qu'à l'époque c'était très très utile. Renaud, c'est à toi. Tu inaugures le deuxième chapitre. Tortelier Batax. Petit PD. Annoncé à ta mère. J'imagine bien la galère. Petit PD. Pas de lézard, besoin d'annoncer à personne. Et c'est franchement une autre histoire que d'avouer j'aime les hommes. C'est pas de ta faute, c'est la nature, comme l'a si bien dit Aznavour. Et c'est quand même sacrément dur à l'âge des premières amours. Petit pédé. Faire semblant d'être normal comme disent les gens. Jouer les machos à tout bout de champ. Garder ton secret d'enfant. Le petit bled d'où tu viens. Les gens te traitaient pire qu'un chien. Il fait pas bon être pédé quand t'es entouré d'enculés. Petit pédé. Tu as commencé à t'assumer. Pour tous les homos débarqués, tu étais un enfant perdu. Tu as été bien vite adopté, même si c'était pour ton cul. Petit PD. Paniquer plus que de raison. C'est ta liberté, c'est ton droit. T'as heureusement fait attention. T'es protégé de ce mal qui a emporté tant de tes potes. Face à ce virus infernal, tu sortais jamais sans capote. Petit PD. Un mec, un moustachu ou un gentil. Alors tu te maqueras avec pour quelques jours ou pour la vie. Rêverais peut-être d'un enfant. Y'en a plein des orphelinats. Sauf que pour vous, papa, maman, c'est juste interdit par la loi. Petit bébé. C'est pas toujours le pied. Moi qui ne suis pas comme toi, le malheur j'ai déjà donné. Qu'on soit tarlouse ou hétéro, c'est finalement le même topo. Seul l'amour guérit tous les maux. Je te le souhaite et au plus tôt. Petit pédé. Yeah. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Et voilà, c'était Renaud avec Petit PD. Tout à fait, tout à fait. Wow. Non, il faut pas avoir peur de le dire, il faut pas avoir peur de le dire. On peut, c'est notre sujet. Hein. On parle exactement cette semaine des pédales, des PD, des enculés, des tapettes, des tentes, des tentouses, des gouines, des empotés, des lopes, des lopettes, des broutes minous, des lesbiennes, des folles, des lesbrouves, des travestis, des travelots. Bien de tout ça, quoi. Tous ces gens. On parle de toutes les identités sexuelles. C'est la thématique transgenre du mois de décembre de Radio Panique. Tortoli Arbatax, c'est la spéciale. Nous sommes actuellement au chapitre 2. Ah, number 2. Number 2. Le chapitre 2, on est en train de parler des. C'est un peu cliché, c'est un peu c'est cliché. Un petit peu cliché. C'est sûr. J'ai un peu l'impression que c'est notre fond de commerce, Tortoli Arbatax. Le cliché. J'assume. J'assume. Petit PD de Renaud, ça c'est fait. J'ai trouvé un morceau qui cartonnait, un artiste qui cartonnait aux États-Unis essentiellement. Il s'appelle Caswell. Le morceau qu'on va s'écouter, ça s'appelle Ice Cream Truck. C'est donc Caswell dans le registre du hip-hop. Il a tous les bling-bling du hip-hop classique. Classique. Mais avant cela, on va s'écouter un petit la vision de Monsieur Garrison peut-être. Ah mais attends, tu veux revenir sur la définition. Bah oui, parce que là, t'insultes... La définition que j'ai donnée au début de l'émission ne suffit pas. T'insultes le monde, t'insultes les gens, tout ça, mais il y a des gens qui ont aussi des avis divergents. Des avis divergents. Qui divergent. Divergent, dit couille, qui dit couille, dit bite. Donc Monsieur Garrison, le fameux prof de Monsieur South Park, aura une explication à nous donner. Monsieur Garrison, je peux vous poser une question? Mais bien sûr, Stanley, que veux-tu savoir? C'est quoi un homosexuel? Ah, Stanley, je crois que tu t'es adressé à la personne qu'il fallait. Assieds-toi. Stanley, les homosexuels, eh bien, les homosexuels, c'est le mal. Un mal enraciné dans leur cœur noir et froid qui ne pompe pas du sang comme le tien ou le mien, mais une sorte de vomi huileux qui circule dans leurs veines pourries et irrigue leur cerveau minuscule, ce qui provoque chez eux des crises de cannibalisme et un comportement violent. Ai-je été assez clair? Oui, je crois. Bien, je suis très content que nous ayons eu cette discussion. Maintenant, va t'entraîner au football comme un gentil petit hétérosexuel. Genre quoi? Alors, on parlait de réflexion hein, dans cette thématique de Radio Panique, de confrontation improbable, de débat. Je crois qu'on est en plein dedans. Là on est dedans. Là, on est dedans. Je sais qu'il y en a qui seront contre. Ça, c'est évident avec Monsieur Garrison. Tout le monde ne peut pas être pour, c'est sûr. Nous, on est là juste pour mettre le débat. On met le plat sur la table. Les gens se servent, ils ne se servent pas. Tu en reprends, t'en reprends pas. T'as faim, t'as plus faim. Tu fais ce que tu veux. Nous, on pose les plats, on les chauffe et on les met. Voilà. De retour dans ce thème, de l'identité sexuelle. Toutes les personnes qui ont une identité sexuelle débridée et divergente de l'hétérosexualité se regroupent dans un syndicat qu'on appelle LGBT. Hein, c'est un syndicat qu'on appelle lesbien. Un syndicat, ouais, carrément. Lesbien, gay, voilà, bi c'est, et trans. C'est même pas une association. Ah non, c'est un syndicat. C'est un syndicat. Ah oui, c'est un syndicat. T'as l'air bien sûr de toi. J'avais l'info là sous le nez. J'en profite pour la sortir. L'LGBT, voilà, tu prendras ta carte. Et lesbienne, gay, trans, bisexuel, c'est ça? Ouais, bi et trans, LGBT, voilà. C'est ça. Ok. C'est ça. Non, l'acronyme qui regroupe le thème genre transgenre en fait. Hein. Tout ça, c'est. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle. Identité sexuelle. Allez, il est temps. J'avais annoncé Caswell. Le voilà, je disais hip-hop. New voilà, Yorkais. Un mec, voilà, casquette à l'envers, New Era, bling-bling autour du cou, machin et tout. Mais sauf que ce monsieur revendique l'homosexualité. Donc ça se passe dans ce morceau, Ice Cream Truck. Ça s'appelle Caswell. Ice Cream, je te laisse aussi deviner l'image. Laisse-moi deviner. Mais c'est assez rare les rappeurs qui ont fait leur coming out. Hein. Là, on est carrément dans la rareté, ouais, tout à fait. Avec Ricky Martin, j'en vois très peu, quoi. Attends, je vais chercher, je sais que je m'en trouvais. Allez, on se reparle juste après. Burgers with extra cheese. I get my friends fries, crispy ketchup on the side. And when it comes to dessert, this is how I ride. I said, meet me at the ice cream truck. I'll buy you an ice cream. I whip up my drumstick. That will make your eyes gleam. Lick it up quick before it melts on the floor. I got it. Uno, dos, tres, cuatro. Give me some more. Okay. You know where to find me from. Made in July. I'm on the sidewalk, chilling, looking all kinds of fly. Sometimes I get low, sometimes I get high. I like rainbows, sprinkles on my ice cream pie. Yeah, right. Meet me at the ice cream truck. I'll buy you an ice cream. I'll whip up my drumstick. That will make your eyes gleam. Lick it up quick before it melts on the floor. I got it. Uno, dos, tres, cuatro. Give me some more. Okay. Meet me at the ice cream truck. I'll buy you an ice cream. I can test on my luck. You can play on my team. Let's do the banana split on the dance floor. Got it. Uno, dos, tres, cuatro. Give me some more. Okay. Relax, take it easy. Check it when you see me. I'm chilling with an iced tea. Watermelon icy. Relax, take it easy. Check it when you see me. I'm chilling with an iced tea. Watermelon icy. Genre quoi? Genre quoi? Genre quoi? Radio Panique présente. Je te l'avais dit! Allez! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Tortoli! Viens! Allez, viens! Viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! Barbatax! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! On est bien! Allez, viens! On est bien, bien, bien, bien, bien! Bien, enfin! Allez, viens! Allez, viens! Regarde tout ce qu'on peut faire. Une émission spéciale genre. C'est génial, non? Allez, viens! Viens! Genre quoi? Vous êtes de retour sur les ondes de Radio Panique. C'est le 105.4, c'est une spéciale genre, transgenre. Et vous écoutez Tortoli et Arbatax. Morceau qui vient de finir, Caswell, The Ice Cream Truck. Et nous finissons donc le chapitre 2. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Et il nous reste du temps pour le troisième et dernier chapitre qui concerne les transgenres et les travestis. Oh, ça c'est bon ça. Ah, ça sort tout seul. Ah, on est... Donc le chapitre genre et transgenre. Voilà. Troisième sexe, troisième chapitre. Normal. T'as vu comme c'est préparé? C'est pluriel. C'est une émission plurielle. Oh là voilà. Là. Bon, et alors là, révélation, nouveau style de musique, puisque il n'y a pas que la musique, vous savez, des clubs, des travestis, des grandes folles, la non. musique des années 80. Non, mais les... non et non. On va se les faire après, du calme, du calme. Non, mais je les vois déjà au fond de la classe, ouais, là, ouais. En train de tapoter du stylo. Ça, calmez-vous, sauf on va y arriver. Juste avant les clichés, on va quand même dire qu'il y a un nouveau style de musique et un truc très très incongru qui se passe du côté de la Nouvelle-Orléans. Ce qu'on appelle la booty beat culture. Ah oui. Booty beat culture. Ouais ouais ouais. C'est-à-dire, bon, en gros, vous voyez ces Jamaïcaines là qui bougent leur cul, un truc de malade. Et ben ils ont repris ça, les travestis du côté de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Dans la communauté black, on les appelle les sissies. Les sissies au singulier. Les sissies, les travestis black, hein, de la Nouvelle-Orléans, et qui reprennent ce cliché un peu jamaïcain pour le mettre à la sauce hip-hop électro-américaine. Ça s'appelle la booty beat culture, ça s'appelle le sissy bounce. Le but, c'est de faire bouger son cul. Ça se passe du côté de la Nouvelle-Orléans. Il y a un article là-dedans dans Coin International. Dans Coin International, si vous voulez en savoir plus. C'était un hors-série de cet été. Exactement, de cet été. Il y avait quelques pages là-dessus. Comme quoi, Tortoli Arbatax lise un petit peu de livres, enfin de magazines, je veux dire. Il n'y a pas que des images, quoi. Voilà, on ne lit pas que des tweets. Voilà. Voilà. On lit aussi des fois du papier. Et les deux grandes icônes de ce mouvement, c'est Big Freedia et Cathy Red. Cathy Red. Cathy Red. Cherchez ça sur internet. Tout sera repris de toute façon dans la playlist de l'émission. Pour vous donner un petit extrait, c'est le morceau qui s'appelle Wear the Melf Hat de Cathy Red. Après ça, on parlera des grandes folles et des hymnes. Ah ouais, ça bounce. C'est la Sissy Bounce. DJ show what DJ. La différence. C'était donc Cathy Red avec le titre, Arba Tax, aide-moi là-dessus. Wear the Melf Hat. Ah, j'aurais pas su. Me demande pas de traduction. Bah ouais, ça bounce, hein, c'est assez violent comme ça. Ça bounce et crois-moi, eux, c'est pas des avaleurs de sabre. Je sais pas. Ah, peut-être, c'est, on sait pas. Il y avait fortement moyen, je pense. Non, c'est possible, ça dépend de quel côté tu te places. Il y a des actifs, il y a des passifs, il y a des avaleurs de sabre, il y en a qui... Voilà. Non, voilà, je ne sais pas. Moult sont les qualificatifs. Le Sissy Barnes étant fait, ça y est, on peut trouver moult morceaux sur internet. Quand on fait une petite recherche, hymne gay ou hymne trans, culture des trans. Alors quelles sont-elles? Quelles sont-elles? C'est anthem. Bah écoute, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi je pose la question, j'ouvre le débat. Tous ces hymnes datent pour la plupart des années 80. Hein, 80. On le connaît, hein, Village People, etc. Mais il y a Boy George Michael. Et puis les Pet Shop Boys et puis 10 000 autres que j'oublie. Stevie Boulet. Oui, voilà. Qui est né dans les années 80 mais qui a été connu et qui a fait son coming out, je pense, plus tard. Un petit peu plus tard. Vers 5-6 ans, quoi. Oui, c'est ça, quoi, que j'en sais rien en fait quand son coming out. Ça du tout. Ouais, t'avais l'air de bien le connaître. Non, pas du tout. Et je me dis, c'est peut-être un mec de ton coin. Je sais qu'il vient du Mans. Prends ça. Dans la Sarthe. On passe le bonjour d'ailleurs à tous les manceaux qui sont de plus en plus nombreux. Les manceaux dans la banquise. Et voilà, sur la banquise. Bon, bref, allez, mini mix trans. On se fait sans plus attendre les Pet Shop Boys avec ce fameux titre Go West. Qui est aussi l'ancien hymne à la Beaujoire du FC Nantes. Souvenez-vous, les gars. Ne nous en parle pas. Tristesse quand tu nous prends. Ils ont changé d'hymne après. Et ensuite, ce sera un des plus grands, je crois, Gloria Gaynor, I Am What I Am. On se rejoint après ces deux titres. Aïe! Mimi! Genre quoi? We will go on. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Identité sexuelle. Genre quoi? Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Mimi. Radio Panou, c'est 105.4, c'est Tortoni et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Et voilà, c'était un petit hymne, hymne à la communauté trans. Tout à fait, LGBT, c'était Go West des Pet Shop Boys et Gloria Gaynor avec I Am What I Am. Deux morceaux, si je ne m'abuse, qu'on retrouve dans le film Priscilla, folle du désert. Film culte de la communauté trans, s'il en est, dans tous les Herbatax, une émission qui cite ses sources et qui n'a pas peur de le dire. Ok, non, mais t'as raison, voilà. Priscilla, folle du désert. Ouais, qui cite ses sources, mais d'ailleurs en parlant de ça, une heure, on approche de la fin de notre émission. On n'a pas le temps de tout aborder, on tape un peu dans les clichés, il faut le dire, on s'en fout. Si vous voulez plus d'informations, plus de débats, plus d'invités, plus de culture LGBT, alors là, y a suivez la prog de Radio Panique. Suivez la prog de Radio Panique, la prog en entier est disponible sur le site radiopanique.org. Sachez que tous les jours, il y a des rendez-vous, notamment ce soir à 19h, à 21h et à 22h. À 19h, c'est Elles en parlent encore, c'est sur les violences masculines faites forcément aux femmes. Enfin, qui ça peut être aux hommes aussi. Ouais. Là, je lance le débat, je fais un teaser. Il y a des hommes battus. C'est parti. À 21h, vous retrouvez L'étranger qui abordera également ce thème. Et à 22h, Daydream Nation sur le mouvement des filles énervées, les griottes. Non, les girl riot. Ça fait les griottes. Les griottes. Ça fait des cerises. C'est génial. Les girl riot. Des petites griottes. C'est très pas bon. Mal ça. Très très bon. N'oubliez pas de voter également pour l'expression de la semaine. On rappelle les deux expressions, Arbatax, la tienne. Mimi. C'est bien. Non, c'est pas celle-là. C'est être de la jaquette. Être de la jaquette, oui, face à avaleur ou avaleuse de sabre. On tenait également à remercier toutes les personnes qui ont œuvré dans le sens de cette programmation transversale. Boy George. Boy. Voilà, tous ces. Enfin bref, ils se reconnaîtront. Tous les inutile de les noter, on va pas faire comme au Téléthon. Toujours est-il que la programmation transversale continue jusqu'au 24 décembre et on vous invite chaudement à revêtir vos petits bonnets et voilà. Allez écoutez Radio Panique. Bon, on va se finir avec un classique comme d'habitude. Juste avant ça, je dis juste que après c'est Djibouti. Pas spécialement dans la thématique, hein. Bon, on va pas leur taper sur les doigts. Déjà qu'ils sont en retard, voilà. On leur gratte un peu de temps. Non mais justement, ils nous ont permis de tarder un peu, donc on peut discuter un petit peu plus. Et notamment de ce classique qu'on a choisi, moins cliché que peut-être que le reste de l'émission. Et là, il y en a qui vont être surpris. Voilà, je pense. Là... Moi-même, j'ai été choqué il y a quelques temps quand on a voulu mettre ce classique. C'est le Lou Reed, vous savez, le fameux Take a Walk on the Right Side de 72, exactement. Ça, c'est pour te montrer que je chante. Pour l'info, c'était sur l'album Transformer, donc de Lou Reed, qui était produit par David Bowie. Et pour l'info, ce morceau, je m'en doutais pas du tout, parce que j'écoute jamais les paroles quand c'est en anglais. je le dis. Et en ouzbek, tu les écoutes? Non plus, mais j'essaye, parce que je fais semblant de m'y intéresser. En anglais, finalement, je m'y intéresse même plus. Et ben, il parle de sujets méga tabous, notamment de transsexualité. Méga tabou. Il tente l'air d'attaque, c'est émission qui casse. Les tabous. Méga tabou, hein, une liste de cadeaux pour Noël. Oh là là là là, non, je préfère un twister, mais enfin bref, on en reparlera. C'est pas grave, de drogue et de prostituée mâle, donc de mec. ouais, parce que en fait, ça parle de jeunes folles, si je résume comme ça, qui montaient à New York à l'époque, il fallait bien aller dans les villes, et c'est toujours le cas d'ailleurs, qui montaient à New York, et notamment Candy Darling. Candy Darling, qui était une muse de Andy Warhol. Genre quoi ? Mégastar du mégastar de The Factory, le studio d'Andy Warhol et du Velvet Underground, etc. Candy Darling, qui était donc un trans, et puis il parle dans la chanson d'autres trans, et en fait voilà, on apprend tout ça dans cette émission, dans ce morceau. Mais pourquoi pas. Donc c'est voilà, en fait, non mais voilà, du coup, Take a Walk on the Wild Side, je l'écouterai plus jamais innocemment. Plus jamais innocemment. Et maintenant, faut s'intéresser un petit peu aux lyrics. Voilà, innocent tu es né et intelligent tu mourras. D'ailleurs, c'est bientôt ta fête, hein, le 26 exact. Décembre, la Saint Innocent. Ah oui, c'est vrai. On prend ça. C'est vrai. Merci de le rappeler. Ah oh, oui, voilà le classique de la semaine. À Djibouti. On nous fait signe qu'il faut accélérer. Bon, on va accélérer. Bon, on va dire à Lou Reed de ralentir. On va descendre sur du 60 BPM. Bon, voilà, c'était l'émission des gens. Jean Rochefort, Jean Reno. Jean Raspail. Jean Racine. Jean Rochefort, ouais, merde. Ah, j'en ai plus. J'en rajouterai bien une couche. Bien vu. J'en reprendrai bien un petit morceau. C'est tout ce que j'ai. Jean. Allez, merci à tous ceux qui nous ont également filé du son. Rendez-vous la semaine prochaine, Tortelière Batax. On sera à 17h sur les ondes, sur le 105.4. Place à Djibouti. La semaine prochaine, ça risque d'être classique. Je balance à un indice. Je balance un indice très classique. Au revoir. Take a walk on the wild side. Au revoir. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Out on the island, in the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Thank you.